On essaie de jouer la carte, justement, de la peur de l'étrange actuellement. Puis tu veux-tu être le gars qui va faire une loi contre ce qui est considéré comme étant radical? Parce que là, tu peux tout rentrer là-dedans. Moi, il y a des positions syndicales que je trouve radicales. Ça rentre-tu dans ce loi-là? Il y a des discours syndicaux que je trouve radicaux. Est-ce que ces gens-là, je leur enlève le droit de s'exprimer aussi? Ben, c'est ça. Moi, je m'inquiète à partir du moment où il y a des vies en danger. Là, je m'inquiète, là. Ouais. Quand quelqu'un est assez radical pour mettre des vies en danger, ça peut être, par exemple, parce qu'aussi, il menace sa blonde, là aussi, là. Mais ça, il y a une police qui intervient, puis on a un code criminel, là, pour ça aussi. Là. Mais, déjà, t'sais, on vit dans un monde où il y a des cyclistes québécois qui ont écrit au CRTC pour dire que je mettais la vie de cycliste en danger. Je considère que c'est complètement faux, stupide, ridicule et malhonnête. Mais il y a du monde qui pense ça. Ouais. Est-ce qu'on va me faire taire parce que des taouins pas de jugement pensent que je mets la vie de cycliste en danger parce que je questionne le jugement d'un cycliste qui met sa vie en danger? On peut aller loin avec ça. Ça peut aller loin. On a le goût d'ouvrir la porte, mais avez-vous vraiment le goût qu'on ouvre cette porte-là? Pas sûr qu'on est assez mature pour avoir ces débats-là encore au Québec.